Kolo Charisme. Mbongo Dibala ici la Kate. Adolfo Mote Bachila Mina. Alors la Mokona de l'homme. Le lobby est Sagi Ketubina. Lui blesse l'ondolin Koinima. Laura Fantomina. Sagi Ketubina. Kolo Charisme. Dala Charisme. Jir Kuba. Dala Charisme. J'ai mon singe. Dala Charisme. Que mon nom soit bête à mon idée. Ils ont dit ce bouquin, c'est bien. Ça la Chérie, Jacques, maman, vois moi. Delma pour couture à Paris. Yama chérie, Arnaud Technologie. Dis-lui, je t'aime. À l'effet du calais. Yama chérie, Joseph Berthier.